Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Caprice de lecture, où aujourd'hui je reçois Fabien Mongin. Bonjour Fabien. Bonjour Sarah. Je suis très contente de vous rencontrer. C'est enfin, un plaisir d'être là. Pour votre premier roman qui s'appelle L'île glorieuse, édité chez MVO Éditions. Alors, le principe reste un petit peu toujours le même dans Caprice de lecture. Il y a une partie de l'émission qui est dédiée à notre invité, donc aujourd'hui Fabien. Ensuite, on fait une petite coupure avec un lieu insolite où découvrir des lires ou alors où lire, parce qu'il y a des lieux parfois où on peut lire qui peuvent paraître un peu bizarres. Et on va terminer avec le caprice de la semaine. Donc on va attaquer tout de suite Fabien avec une première question. Alors, L'île glorieuse est votre premier roman avec un héros qui est de chez nous parce qu'il s'appelle Julien Antoine. Alors, ce Julien Antoine, qui est le personnage central de votre roman, hein, je ne vais pas trop en dévoiler, avec ses phobies, ses peurs, ses angoisses, et puis aussi sa vision du monde un peu... je la trouve très réaliste et en même temps comme si le héros l'évitait un peu au-dessus de ce qui lui arrive. Est-ce que ce serait une part de vous-même, Fabien? Un petit peu, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré, non pas de moi, mais... J'écris à la première personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans ces angoisses, dans ce regard un petit peu, cette hauteur que je prends par rapport au monde, à la société, etc. Ouais. Et c'est vrai que je me mets toujours à la place du narrateur pour imaginer ce qu'il pourrait penser, ce qui pourrait lui arriver, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup... Ouais. C'est pas autobiographique pour c'est autant. Quand vous décrivez la phobie, par exemple, de l'avion... Bon, ça, c'est vrai. Ouais, voilà, parce que enfin, moi aussi, je l'ai, donc je l'ai vécu. Je me dis, c'est pas possible. Il y a une part un petit peu autobiographique là-dedans. En fait, c'est même la base de départ de mon roman. C'est que je devais vraiment partir à La Réunion, rejoindre ma petite amie de l'époque qui était en stage. Et je me suis mis à imaginer toutes sortes de scénarios en me disant, oh là là, je vais prendre l'avion, j'ai un peu la trouille. Et si je me crache, mais comme je suis optimiste, je survivais à chaque fois. Okay. Donc, que se passe-t-il quand on survit? Parce que en fait, vous vous posez la même question que tous les gens qui ont peur de l'avion quand on arrive. Donc, pour embarquer, on se dit, et ce gros truc-là, ça vole, ça tient. Exactement. Et je trouve que vous le décrivez bien. C'est pour ça que je me posais cette question. Alors, deuxième question. Donc, je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue. Mais votre héros, en fait, on a l'impression que le roman est découpé en trois parties. Il y a son crash aérien. Je ne raconterai pas la suite tout de suite, bien sûr. Il y a un crash un peu sentimental. Et puis, il y a aussi cette espèce de crash sociétal. Parce qu'il y a vraiment l'influence des réseaux sociaux d'un seul coup. Le héros revient. Il est accueilli un peu... c'est un survivant. Et voilà, je trouve qu'il est assez malmené. Et il est un peu comme Robinson Crusoe, mais vous le remettez aussi dans un contexte très citadin. Alors, est-ce que Robinson Crusoe vous a aussi inspiré? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était savoir quelle est votre vision de tout ça, les réseaux sociaux, l'influence, l'image, parce que c'est dit sans être dit. Oui. Alors déjà, c'est très bien vu, cette histoire des trois crashs. Ouais. Je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais c'est vrai que je me suis amusé, surtout à la fin du roman. Le personnage en vient presque à regretter sa solitude sur l'île, contrairement à la solitude qu'il ressent après, quand tout s'est un peu éteint ou quand tout s'est un peu abîmé. Finalement, il se dit qu'il était presque plus heureux, tranquille, tout seul, dans l'ignorance de tous, que maintenant. Donc ça, c'est une belle lecture. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, ça, cette célébrité qu'on peut, chez n'importe qui, en fait, dit qu'il y a une notion de célébrité, de reconnaissance de l'autre. Il y a quelque chose qui change les rapports humains. Donc, un footballeur de la SNL, un chanteur, un journaliste, n'importe qui... Il y a un rapport étonnant à ça. Le rapport change. Et là, qu'est-ce qui se passe quand un homme devient célèbre? Parce qu'il a juste survécu, en fait. Il n'a rien fait. Oui, il a juste survécu. Il n'a pas de compétences particulières. Enfin, il a juste ou déjà survécu. Vous voyez, parce que ça dépend où on se positionne, oui, quelque part. C'est vrai. Et dans le roman, il est le seul. Il est le seul. Le seul survivant qu'on connaisse qui est resté. C'est sans doute pour ça qu'il a une célébrité très, très grosse, très large au début, parce qu'en fait, c'est le seul qui revient. Donc, tout le monde s'en empare un petit peu, les médias, la presse, les hommes politiques, les avocats, etc. Parce que c'est le seul. Et donc, on devient célèbre dans une ville où on était complètement ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est plus ça le troisième crash que vous racontiez. Et je le trouve parce qu'en fait, il y a l'image et c'est tellement intense sur une période très courte. Et d'un coup, d'un seul, il n'y a plus rien. Oui, c'est vrai. Et je, voilà, là, vous le décrivez vraiment bien. Je voulais vraiment qu'on mette l'accent là-dessus, ah bah c'est parce gentil, que c'est merci. Vraiment bien décrit. Et une fois qu'on referme le livre, on se dit, mais en fait, ouais, c'est ça. C'est la spontanéité, et ça dure 10 secondes et c'est fini, quoi. Mais c'est ça. C'est aussi ça qui m'intéresse. Donc, c'est l'autre versant de la célébrité, c'est quand ouais. c'est fini. On a tous fait l'expérience des gens dans la télé-réalité, ou des vieux chanteurs, des vieux acteurs. 20 ans, 10 ans après, qu'est-ce qui se passe pour eux ? C'est un peu terrible. Ou soit ils le vivent très bien, mais il y a toujours un esprit assez bizarre. Lui, on n'entend plus parler, qu'est-ce qu'il devient ? Et donc, lui, c'est pareil. Finalement, ça devient une célébrité, mais très vite oubliable, parce qu'il ne va rien laisser à la postérité, ni un film, ni... Mais voilà, il y a juste ce qui reste, c'est que c'est le survivant. Il sera toute sa vie connu comme le survivant. Le miraculé, comme je l'appelle dans le livre. Et donc voilà, c'est ça, c'est très intéressant, je trouve, les trajectoires de vie qui sont un peu subies comme ça et qui changent sans même qu'on l'ait voulu. Il n'a jamais recherché à être célèbre et pouf, ça lui tombe dessus. Malgré lui. Ouais. On va faire une petite pause, Fabien. Donc tout de suite, on va retrouver Vianney pour de vrai. J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis. C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a tant qu'on vit tous les deux. Pas demain la veille que je maudirai le soleil, car le soleil c'est toi, et moi solennel pour une fois. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Hey. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque. On va quitter Paris. Puis je te chanterai en cloque en attendant le petit. Je ris pas. Oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. Tout ce que j'ai pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Je ris pas. Oh, oh, oh. On peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie. Ce que j'ai pour de vrai. Et tout ce que j'ai. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture, donc toujours en compagnie de Fabien. Donc j'avais déjà posé deux belles questions qui nous ont permis un petit peu de mieux connaître le héros du livre. Alors là, j'avais une troisième question. Jean-Charles. Vos amis, Jean-Charles, les crabes. Bah oui. Alors, eux, ils m'ont bien fait rigoler jusqu'au moment où voilà, notre héros a trop faim. Donc, bon. Alors, d'où vous vient ce nom de Jean-Charles pour les crabes? Parce que moi, j'étais mort de rire. C'est, voilà, c'est assez bizarre. Bah, Jean-Charles, mais c'est un prénom qui me fait rire. Je pense que ça fait rire tout le monde. Si on, un Jean-Charles, ça n'existe plus, ce prénom. En tout cas, l'alliance des deux prénoms, ça ne fait plus trop. Et c'était des vieux souvenirs d'enfance. J'ai dû connaître des Jean-Charles. Ouais, j'ai voulu me moquer gentiment. Et donc, je me suis imaginé effectivement que ce n'est pas un Robinson Crusoe, mais il est seul, donc c'est long. Et je pense qu'on se met à parler tout seul. Et là, en l'occurrence, c'est à des crabes. Parce que vous le décrivez bien, à un moment, vous avez besoin, même votre voix. Oui. Vous ne savez plus à quoi. Le héros ne sait plus à quoi ressemble sa voix. Ça le fait bizarre de s'entendre lui-même parler. Et ça lui fait drôle. Oui. Ouais, c'est assez. Mais bon, Jean-Charles, moi, je trouvais ça tellement drôle pour un crabe. En plus, après, il y aura une période de deuil pour ces Jean-Charles. Bah, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il va découvrir que les crabes sont peut-être jolis, mais ne sont pas tous très bons, forcément. Oui. Donc voilà. Oui, c'est à la fois ses amis, son garde-manger, et puis. Un deuil un petit peu qui va devoir. Mais voilà, bon, j'ai la réponse à ma question. Avant-dernière question, Fabien. Ça, c'est une question qui est un peu plus théorique, qui est un peu moins liée au roman. Comment on devient écrivain? Comment un matin ou un jour, on se dit tiens, je vais écrire un roman et puis je vais voir. Pour vous, ça s'est passé comment? Alors, j'ai fait des études de cinéma. J'aurais voulu être scénariste. En tout cas, voilà, j'ai toujours plus ou moins écrit. Alors, plutôt des séries, plutôt des films, plutôt des nouvelles. Et puis, je n'étais pas du tout attiré par le roman. Et en fait, quand j'ai pensé à cette histoire de crash, d'avion, de partir à La Réunion, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple de l'écrire. Ouais. Et donc, j'ai commencé quasiment sans rien. Je suis parti de l'aéroport, en fait. Okay. Et puis, après, j'ai commencé à prendre des notes, à faire des petits tableaux, puis à écrire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Okay. Et c'est venu comme ça. Donc, je ne me considère pas vraiment comme un écrivain. En tout cas, j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours aimé écrire. Et je trouve qu'on, même dans la vie de tous les jours, je pense que quand on nous arrive quelque chose, c'est bien de l'écrire. C'est beaucoup plus simple à formuler ses propres arguments si jamais on doit être amené à en parler à l'oral. Donc voilà, l'écriture m'a aidé à reprendre l'avion. Pareil, j'ai repris l'avion il n'y a pas longtemps et ça s'est beaucoup mieux passé. Est-ce que c'est thérapeutique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours plus ou moins écrit. Je prends beaucoup de plaisir à écrire. Enfin, c'est vraiment de plus en plus. Ouais. D'accord, donc ce n'est pas un truc que vous aviez en vous. Parce que des fois, on nous dit « Ah, mais j'avais ça en moi depuis toujours. » Je pense pas, non. Voilà. Je pense pas. Mon roman est assez léger. Il est pas. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez humoristique. Et ça, en fait, ça me correspond assez. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dur d'écrire. Le personnage me ressemble et tout. C'est pas une douleur. Donc, c'est assez simple, entre guillemets, de coucher sur papier ce qu'on pense. Et puis, peut-être pas cette pression, parce qu'il y a quand même des auteurs qui ont une très grosse pression, des contrats avec les maisons d'édition. Ouais. C'est pas mon cas. Voilà, non, mais du coup, quand il n'y a pas de pression, il y a, plus de plaisir, quelque part, je pense. C'est vrai. Il y a moins de contraintes. Après, c'est vrai que l'écriture, comme n'importe quel projet artistique, il faut que ce soit un peu en soi, il faut que ce soit quelque chose qu'on ait envie de faire plus que tout. Okay. Ça prend du temps d'écrire, il faut du temps disponible, il faut n'avoir rien d'autre à faire, avoir l'esprit libre pour le faire. C'est la seule contrainte, elle est là pour moi, c'est d'avoir le temps de se mettre à écrire. Okay. Voilà, ce qu'on n'a pas toujours dans la vie. Voilà. Et quand on a ça, je pense que ça peut venir facilement, plus ou moins. Voilà, il y en a qui vont arriver à peindre en étant tranquille. Quand tu allais faire du sport, moi, j'écris. Vous, c'est l'écriture. Voilà. Ok. Dernière question. Est-ce qu'un deuxième roman est en cours de rédaction? Eh ben oui, je suis plutôt bien avancé. Je suis plutôt bien avancé. C'est en lisant. Alors, c'est un peu long, mais dans le roman, il y a un journaliste qui s'appelle Nicolas Delesalle qui interviewe le narrateur, qui existe vraiment, c'est quelqu'un qui est un vrai journaliste et qui a écrit des romans. Il a écrit un roman sur son enfance et ça m'a donné l'idée de faire de mon second roman qui va se passer sur une seule année, l'année 98, où j'étais au collège. C'était une année très importante, il y a pas mal de changements dans ma vie. Ouais. Je la raconte aussi d'un point de vue d'adulte qui regarde l'enfant qu'il était en décrivant cette avec année avec votre recul et votre maturité d'aujourd'hui. Voilà, du coup, exactement. Ok, et écoutez, je suis ravie. Mais merci, c'était super. Oui, très bien. Vous restez avec nous jusqu'à avec la fin. Avec plaisir. En attendant, on va écouter Alain Souchon passer notre amour à la machine. Passer notre amour. Voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments? La blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue.

noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. Caprice de lecture sur Fadjet. Alors pour cette dernière partie d'émission, qui est toujours consacrée aux caprices de la semaine, c'est Fabien qui nous fait le plaisir de nous faire partager sa dernière lecture. Alors allez-y Fabien. Ah, c'est pas tout neuf, hein, c'est le prix Goncourt d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est L'anomalie de Hervé Le Tellier, okay. Qui est un roman époustouflant, parce que c'est, l'histoire est dure à décrire, mais on va dire que c'est un vol d'avion. Il y a plusieurs personnages dans cet avion qu'on découvre au début, sur plusieurs chapitres, et à la fin, on découvre qu'ils ont un destin commun lié à une anomalie, et c'est époustouflant parce que moi qui ai fait des études de cinéma, je voyais la série, je voyais le film, c'est hallucinant de maîtrise, je trouve ça passionnant de bout en bout, on est scotché, et il y a un dénouement, on va vers quelque chose d'encore plus grand que nous, qui est absolument sidérant. D'accord. Et j'ai passé un moment, j'avais les yeux écarquillés, je pense, comme devant un film d'action ou catastrophe, d'accord, tellement j'en prenais plein les yeux, alors que c'était de la lecture, ça m'est rarement arrivé de voir le roman quasiment qui s'écrivait sous mes yeux, tellement c'est très cinématographique, c'est très... Je crois d'ailleurs que le livre va être adapté en série. Ok. Et je suis pas étonné, parce que c'est vraiment... Il y a de quoi faire, il y a... Voilà, ça part aussi un peu comme le mien, on voit des hommes politiques de très haut rang qui interviennent, enfin, bref, c'est un truc fou. Voilà, si jamais les gens veulent voyager, pour le coup aussi, à moindre coût, on fait plusieurs pays, on fait plusieurs langues, enfin c'est vraiment... Ces dernières années, j'ai rarement lu quelque chose qui m'a autant pris que ça. Donc voilà. Hervé Le Tellier, L'anomalie, ouais, aux éditions Gallimard. Ouais. Ok, ça marche. Merci, cette émission s'achève. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.